Génération, des chansons souvenirs avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel. Voici donc, il est 13h31. Voici donc, qui bien, comme tous les vendredis après-midi, l'émission Souvenir. Pour l'après-midi avec des chansons variées françaises. Avec bien sûr les chansons des années cet après-midi du côté des années 60-70. Eh bien, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée, tout simplement, et j'espère que vous allez continuer de passer une excellente après-midi aussi. Puis au cours tout simplement de l'émission, tout simplement avec bien sûr les chansons, il y aura aussi de l'accordéon et puis quelques chansons portugaises. Donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse avec bien sûr les chansons. Et voici Alain Barrière, et puis suivi de Charles Aznavour. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Avec tout simplement le titre d'Alain Barrière avec Emporte-moi. Et puis Charles Aznavour, tout simplement, les premiers heureux. Emporte-moi, que le vent gonfle la voix. Et qu'à l'heure de cette toile, nous soyons très loin de tout. Emporte-moi, que le flot berce mes rêves. Et qu'à l'heure tout s'achève, il me reste rien. Le vent gonfle la voile reste rien que nous. Dormir ma ferme et mes outils se rouiller dans la grange, car l'unique grain qui germe pousse au sol de mes pensées en fusion. Et tempêtes, lorsque chantera la paix sur la terre, pesamment comme une bête, je viendrai soigner mes plaies sur des flancs. François. sont très beaux. Oh, c'était hier, mais aujourd'hui rien n'a changé. des jours, je le regretterai. De quel amour blessé faut-il donc revenir pour un jour s'éveiller sans aucun souvenir. S'endorme à tout jamais, comme dorment les fleurs quand l'hiver les a tuées. Dans quel amour blessé traîne-t-on notre vie? Et qu'avons-nous laissé qui toujours nous poursuit? J'ai le temps de chercher. Sur les fleurs et mépriser les femmes. Je la voyais si belle quand j'étais amoureux. Je croyais tant en elle que je croyais en Dieu. J'ai le temps. Après, tout simplement, François de Galde, voici donc Jen Manson et puis suivi de Dave. C'est fini, nous deux.

Nicolas sur Arc-en-Ciel. Da nossa cabeça até aos pés é escolher o lugar. Nos tempos os soldados tatuavam-se na guerra, mas hoje até se tatua qualquer cromo cá da terra. No mundo da tatuagem o Tomé é o campeão, tatua novas e velhas com muita arte e paixão. A minha amiga Patrícia, maluca como é, tirou a roupa para ser tatuada pelo Tomé. Abriu a boca e Tomé tatua, abriu a perna e Tomé tatua, pôs-se de costas e Tomé tatua, bem tatuada foi da chave. Voici donc bien Fondial. Aceita que dói menos, aceita, aceita, aceita que dói menos. arc-en-ciel.

Voici donc Richard Anthony. Les années 60 en fac, quand Brel avait le trac, ça me revient tout en vrac. Presley, Marilyn et Pat dans le même sac. Cohn-Bendit passe son bac. Le Vietnam sous la terreur, Berlin noyé de peur, le monde plein de trucards. Et nous, spectateurs, on n'écoutait pas trop son cœur. Et nous, spectateurs, on n'écoutait pas trop son cœur. Les années 60 en rock, avec leurs armes en stock, du blé pourri sur les docks. Presque un milliard de shintok, des flics de choc pour les hippies de Woodstock. Cette journée d'horreur, Attal à Saint-Tueur, touché Kennedy au cœur. Et nous, spectateurs, nous éclations tous en pleurs. Nous éclations tous en pleurs. Santa la Schlag, tant de Khrouchtchev à Prague, et les Beatles dans leur jade. Les sex shops à Copenhague, partout ma drague, et les poètes au goulard. La planète basculait sous mes yeux étonnés, et les bombes à Arc-en-ciel. Voici quelques chansons de rock. Taking a bath, long on my own Saturday night. On écoutera Bill Haley. Four o'clock, rock.

Voici donc eh bien Dick Rivers et puis suivi de Eddie Mitchell. Les jours d'été s'en vont, ils vont courir d'autres joies. Mais moi ici, je tourne en rond, tu n'es plus là. Hier encore, tu m'embrassais, tu riais serré contre moi. Aujourd'hui, je sais, tu mentais, tu n'es plus là. Que toi, chanter paraît facile. Je n'aime que toi, te le dirai vraiment plus difficile. Je n'aime que toi, les chansons ne disent que ça. Je n'aime que toi. Mieux que moi, tu te fais douce, j'ai beau m'étendre, je suis comme pousse pour toi, je n'aime que toi, je n'aime que toi. Je n'aime que toi, tu es ma belle témoin, ta langue d'Achille. Je n'aime que toi, au-delà de toute passion. Je n'aime que toi, au point de ne connaître que ton nom. Voici donc deux chansons portugaises et on se retrouve juste après avec Carlos. A saia da Carolina foi de alguém que ofereceu, que é por ela ser menina. Para estar perto de Deus, foi assim de pequenina que a quiseram ensinar que tem lugar na cozinha e em casa a costurar. Tem cuidado, oh Carolina, que o lagarto dá o rabo. Tu até te vês rainha, tem mato patriarcado. Tem cuidado, oh Carolina, quem tem sonhos tem pecados. Ser menina é tua sina, ser um. Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado. Cuidado com a Carolina que vem de punho cerrado. A saia da Carolina ardeu-me meio

D'écouter Guy Béard avec suivi tout simplement Pierre Perret, Michel Sardou, puis d'autres chansons. Voici donc les émissions pour ce soir ainsi que pour ce week-end, samedi, dimanche. À partir de 5h jusqu'à 19h, vous allez retrouver l'émission de Manuel avec l'émission Découverte. Juste après lui, entre 19h et 22h, avec Albino pour l'émission Marika. Et puis demain, nous serons samedi à partir de 9h avec Christine jusqu'à midi pour l'émission Portial Nous Corésiens. Après, dans l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 18h, avec l'émission de Rose André, suivi de 18h, 20h, avec Flashback Carla. Et puis, pour le dimanche matin, à partir de 8h jusqu'à 10h, avec tout simplement Cantal Dougallo, avec Antonio et Mathieu, et puis suivi avec le téléphone sonne, Lionel et Jérôme, entre 10h, 12h30. Et puis juste après, ben, vous pouvez me retrouver tout simplement pour l'accordéon musette. Voici donc eh bien, Guy Béard et puis suivi de Pierre Perret. La dame au petit chien est revenue, est revenue. La dame au petit chien est revenu de très loin. Dans mon petit chez moi, elle a dit oh, elle a dit ah. Dans mon petit chez moi, son petit chien a dit wah wah. Ce charmant trésor, très cher, me dit-elle, s'est-elle passée, s'est-elle passée, très cher, me dit-elle, je pars pour les Dardanelles. Voici repartir avec son chien, la voici repartie, moi solitaire depuis, je pleure nuit et jour, je pousse des cris, je pleure nuit et jour, peut-être est-ce de l'amour. De l'amour pour son chien, qui était gentil, de l'amour pour son chien,

faire chanter sur des notes et des mots toute une génération dans un tempo encore plus grand, toujours plus beau. Il y a tous les matins une chanson nouvelle, une seule vous fera vieillir avec elle. C'est pas seulement vous qui l'aurez choisie, mais elle vous suivra toute la vie. En quelle année ai-je adoré Georgia? J'étais dans quel été, dans quel état? Sous quel soleil de nuit? J'oublie en quelle année l'ai-je dansé dans tes bras? Bientôt 20 ans se sont passés, et jamais je n'aurais pensé qu'à l'épreuve de l'avenir, tant d'amour puisse encore grandir. Tu connais tout mon univers, tu sais mon âme un livre ouvert. Je ne pourrais jamais, je crois, respirer sans penser à toi. On dit pourtant du temps qui passe, qu'il tue l'amour ou qu'il l'efface, de la passion souvent qu'elle cesse, en laissant place à la tendresse. Moi tous les mots que je t'invente sont d'un amant pour son amant. Ton amour a chassé l'ennui hors des frontières de notre vie. Bientôt 20 ans se sont passés depuis notre premier baiser, mais de trouvailles en gestes tendres, tu n'as cessé de me surprendre. Tu embellis de jour en jour dans la lumière de cet amour que tu fais sourdre du silence, du simple fait de ta présence. Font-ils pour être heureux ceux qui n'ont jamais eu près d'eux, pour les guider vers le hasard, et ton sourire ou ton regard? Tu chantes en moi depuis toujours, j'ai si peur de te perdre un jour, que je savoure comme un présent ton parfum porté par le vent. Bientôt 20 ans passés ensemble, c'est peu dire qu'on se ressemble. Au moindre souffle de ton air, j'ouvre mon âme à l'univers. Tu es la sève de mes fleurs, mon seul chemin vers le bonheur. Sans le soleil de ton amour, je suis aveugle, je suis sourd. Plus jamais seul comme autrefois, je sens ton cœur au fond de moi. Tes yeux sont toujours des caresses, et tes doigts un mot de tendresse. Affamé aux automnes du temps passé, notre amour peut encore grandir à l'épreuve de l'avenir. Tout peut encore nous arriver, tu t'approches pour m'embrasser. Et ces 20 ans n'auront duré qu'un seul baiser. Tout peut encore nous arriver, tu t'approches pour m'embrasser. Et ces 20 ans n'auront duré qu'un seul baiser. Voilà, donc après tout ce moment Yves Duteil, voici Annie Cordy et puis Gilbert Bécaud. Comme ça, ma veine à moi, c'est de prendre la vie comme elle va.

j'avoue que j'en suis assez fière. Et je le dis souvent, je suis né au soleil levant. Nous sommes sortis de la mer avec le goût de la lumière. Passons indifférents aux aventures de ce monde. Tu acceptes de vivre à l'ombre, pourvu que tu vives longtemps. Voilà, passons indifférents, mais c'est pas de grand. Et puis suivi de Serge Gainsbourg.

Arc-en-ciel. Voici donc Jerry Jelawis. Et puis juste après lui, ce sera encore un autre morceau de Manison. S'appelle Brigitte Bardot et puis juste après elle ce sera Rika Zaraï. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter.

Zagreb vient venir. Je souffle la bougie, je me dessine, me lis les doigts croisés sur l'infini, je dis salut. Et peut-être qu'un jour, je serai de retour. Tu peux me dire comment l'exil vient aux errants. Si je mets les voiles, je dis bon vent. Peut-être demain, ne pliez pas frangin. Change de chemin, change de beau temps. Oh, va, le vol de nuit s'en va. Destination Bahia. Petite amie de jeu de ton enfance. Tout étonné, je ne suis plus la même. J'attendrai le jour où je pourrai enfin t'avouer que je t'aime. Dans mes bras, oublie ta peine. Dans

ma vie commence. Après Claudine Copin, voici donc C'est Jérôme.

coisas que a vida ensina. Há mágoas que o tempo não levou, mas nunca estive sozinho, pois o meu sonho nunca me deixou. Já sofri por ter perdido batalhas, mas nunca desisti de ser cantor. A música como bagagem me leva a ser um sonhador. Hoje já não vivo sem razão. Ser cantor, a guitarra como companhia, fazer feliz um coração sonhador. Já sofri por ter perdido batalhas, mas nunca desisti de ser cantor. A música como bagagem me leva a ser um sonhador. Hoje já não vivo sem razão. Vou alimentando essa paixão que deu sentido ao meu viver. Menino sonhador, se hoje sou quem sou, écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.